À Solange du Devant, Nohant, 13 juin 1843. J'ai reçu ta lettre hier, ma chère grosse, et je te félicite de la fin de ton accès de paresse. Puisse l'accès de courage durer plus longtemps. Je ne sais ce que tu veux dire en prétendant que je te gronde. Ce mot-là ne devrait pas être employé entre nous et n'avoir pas de sens pour toi. Je te fais souvent des reproches, ce qui est bien différent et ce qui est plus grave. Mais je gronde pistolet. Quant à toi, tu fais semblant de prendre les reproches pour des accès de mauvaise humeur et te sentant des torts, tu cherches à les attribuer aux autres. Si M. Bascance n'est pas content de ta paresse, c'est qu'il a mal au nerf. Si Mme Bascance te prive de sortie, c'est qu'elle a mal aux dents. Si je trouve tes réponses peu respectueuses et peu affectueuses pour moi, c'est que je n'ai pas assez dormi. Voilà ton système. Nous le connaissons. Et il n'est pas neuf. C'est au premier coupable qu'on en doit l'invention sur la terre. Ce premier coupable était un égoïste. Et ne comprenant pas l'affection, il n'a pas compris que ses juges pussent le punir dans son propre intérêt et souffrir en le condamnant d'un autre mal que la colère ou la colique. Cependant, moi, je crois que le premier juge qui a condamné son semblable à une réparation et le premier parent qui a fait des reproches à son enfant pour une mauvaise parole ou une mauvaise pensée ont dû souffrir de tout autre chose. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir mal au nerf ou mal au ventre pour être irrité et profondément affligé des torts de ce qu'on aime. Puisque tu as fait tes réflexions sur le sang-froid avec lequel j'écrivais une lettre à quelqu'un pour le faire pleurer, tu aurais dû te dire que si je n'étais pas en colère en écrivant, je souffrais intérieurement du chagrin que cause une preuve d'ingratitude et que je n'étais pas sous l'impression du dépit que donne la contrariété. Tu es très porté à accuser et à condamner toi-même, et tes jugements ne respectent personne, pas même moi. Je ne prétends pas me poser en idole devant toi, et tu devrais te souvenir qu'en général, je ne me pose ainsi devant personne. Mais si tu me trouves des torts et des travers, ce qu'à mon âge je n'avais, je l'avoue, jamais songé à faire envers ma mère, tu devrais au moins faire servir ton intelligence à comprendre ces torts et ces travers-là. Et tu verrais alors que l'amour est toujours au fond, en ce qui te concerne. Un jour, tu les comprendras, et tu verras que le plus grand de tous envers toi est de n'avoir pas été assez sévère et assez froide. Louis XIV se plaignait de n'avoir pas reçu le fouet dans son enfance et d'être resté ignorant. Quelques jours, tu t'apercevras peut-être que tu as en toi un grand fond de personnalité. Et ce ne seront pas des gens bienveillants qui te le feront sentir. Ce seront des indifférents, peut-être même des ennemis, et qui t'en puniront cruellement. Tu te souviendras alors de l'indulgence et de la faiblesse avec lesquelles je t'ai passé tant de torts. Tu trouveras que j'ai été beaucoup trop mignonne, et que si je l'avais été moins, tu le serais devenu davantage. Pense à tout ce que je te dis là, et sois bien sûr que je te l'écris fort tranquillement, comme tu dis. La tranquillité va aussi bien avec le chagrin que l'emportement et l'indignation. Il y a beaucoup de nuances, et ce qui afflige ne peut nous laisser ni toujours calme, ni toujours énergique. Et d'un autre côté, il n'est pas beau de jouer avec les émotions pénibles qu'on suscite aux êtres occupés de nous. Françoise a pleuré toute la matinée parce qu'elle avait cassé l'anse de ma petite cruche de grès. Cependant, je ne lui avais pas dit un mot de reproche et j'ai été obligée de la consoler. Ce n'était pas la crainte d'être grondée qui lui faisait tant de peine. C'était le regret d'avoir brisé une bagatelle qu'elle savait mettre commode. Réfléchis un peu à cela. Et qu'ai-je fait dans ma vie pour Françoise en comparaison de ce que j'ai été pour toi? Mais Françoise aime. Voilà tout le secret. Et je ne l'ai jamais grondée, qu'à une époque où j'ai cru qu'elle ne m'aimait pas. Ainsi, quand je te gronde, dis-toi qu'apparemment tu m'as donné de fortes raisons pour douter de ton affection. Entendons-nous, cependant. Avec toi, il faut mettre les points sur les i. Je ne crois pas que tu ne m'aimes pas. Je ne peux pas le croire, surtout à l'âge que tu as maintenant, où, à moins d'être une bûche, il est impossible que ton cœur reste endormi. Mais je crois que tu es encore si empêtrée dans les liens de l'enfance, car tu es paresseuse en tout et ton développement est plus lent que ton âge ne le comporte, que tu te préfères encore à tout le reste de l'univers. Un être intelligent et bien organisé arrive cependant à comprendre, à ton âge, que la vraie affection est d'aimer quelque chose. Et ce quelque chose, ce ne sont pas les rubans et les dentelles, c'est le bien, le beau, le bon, le vrai, et quelqu'un plus que soi-même. Ce n'est pas seulement un devoir, c'est un besoin des âmes généreuses. Et je frappe sans cesse à la porte de ton cœur pour voir si ce besoin me répondra enfin « on y est ». Pourquoi la fiction du caractère d'Edmé t'a-t-elle plu? Pourquoi dis-tu que c'est la plus belle des filles? Ce n'est pas parce qu'elle monte à cheval et qu'elle a des plumes sur son chapeau. C'est parce qu'elle a un dévouement enthousiaste, parce qu'elle préfère son père, son fiancé et ses amis à elle-même. Pourquoi l'aimes-tu dans le procès? C'est parce qu'elle s'expose à tout pour proclamer son affection et la vérité. Donc, tu comprends et tu sens qu'il y a quelque chose de mieux que de s'attifer du matin au soir, de faire la belle et l'esprit fort, et de vivre pour soi. Tu aimes moins Consuelo qu'Edmé, parce que jusqu'à présent, en ayant des accès de dévouement pour les autres, elle n'a pu surmonter tout à fait le désir de vivre pour elle-même et de se débarrasser des liens de l'affection. Ses liens sont un peu rudes, sa vie est un combat. Tu m'as demandé souvent quel serait le dénouement de toutes ces folles aventures que j'invente. Je t'ai demandé à toi-même de le trouver et de me le dire. Ne devines-tu pas que ce dénouement sera le triomphe du dévouement de Consuelo et le sacrifice de toutes ses émotions, de toutes ses fièvres d'artiste dont elle est encore un peu trop enivrée? Tu as donc été voir des spectacles catholiques. Tout cela serait bien beau si on y croyait, et si les curés poudrés n'en faisaient une spéculation et une comédie. Mais ils ont perdu le sens et l'intelligence des mystères et des mythes de leur culte. Ces mystères sont superbes, mais la lettre a tué l'esprit. Dis-moi si tu comprends ce mot-là. Et si tu ne le comprends pas, fais-toi le expliquer par M. Bascans. Les raisons que tu me donnes sur le prétentieux de ton style sont bonnes. Entre autres celles que c'est peut-être parce qu'il est trop naturel qu'il paraît ne pas l'être. C'est une explication sincère et juste, et je suis bien aise que tu me l'aies donnée. En ce cas, laisse-toi aller, et si tu tombes dans le mauvais goût sans t'en apercevoir, je t'en avertirai. Il ne suffit pas de ne pas vouloir être maniéré. Il faut prendre l'habitude de ne pas le paraître. Bonsoir. « Ma grosse chérie, je ne peux pas dire que je m'amuse sans Maurice et sans toi. Il n'y a pas de gaieté dans la maison et je me trouve bien seule, quoique le bon Chopin me parle de vous continuellement et se mette en quatre pour me distraire. Mais il faut faire son devoir avant tout. Tu dois travailler, Maurice doit voir son père et je travaille en vous attendant. Pourquoi ressens-tu un mouvement de chagrin en apprenant que je donne des leçons à Lucette? Je n'avais pas même prévu que cela t'en ferait. Est-ce de la jalousie? D'abord, je ne crois pas que tu sois fort curieuse de mes leçons, car tu les as toujours prises à ton corps défendant. Et je dois dire que Luce, au contraire, en est fort curieuse, comme on dit ici. Ensuite, il me semble que si tu aimes cette petite, tu dois te réjouir de ce que je lui rends service de l'instruire un peu. Elle travaille très bien à l'aiguille maintenant et se rend utile dans la maison. Elle a été à l'assemblée de Vic avec la Solange et toutes les autres. Il y faisait un temps de chien et tout le monde a été saucé. Il pleut toujours ici et je n'ai pas encore passé un jour sans feu. Pistolet est déjà maigri, effilé et rajeuni. Il va à l'eau mieux que jamais. Et quand on lui demande « Où est Solange ?», il se lève et va flairer à la porte en retroussant ses oreilles par-dessus sa tête. Rien de nouveau ici, ni Polyte ni Maurice. Dutheil est toujours très malade. On ne sait s'il sauvera son œil. Les fleurs languissent dans l'attente du soleil, les hirondelles font leur nid aux fenêtres de la salle à manger, ce qui te prouve que la maison est assez morne et qu'on ne les dérange guère. Nous avons une petite ânesse fort douce sur laquelle Chopin se promène quand il fait beau, ce qui n'arrive pas souvent jusqu'ici. Adieu encore. Mademoiselle de Rosière me mande que tu lui fais lire mes lettres. Je te prie de ne plus le faire. Je n'ai pas de méfiance d'elle, au contraire, je l'aime beaucoup, quoiqu'elle m'impatiente quelquefois sans le savoir et sans le vouloir. Si elle ne m'avait pas dit qu'elle avait lu ses lettres, cela ne me ferait rien du tout. Mais à présent que je le sais, cela me gêne. Il me semblerait que je n'écris plus à toi seul et pour toi seul. Tu dois comprendre cela. Embrasse-la pour moi et remercie-la de m'avoir écrit, je lui répondrai bientôt. Travaille bien avec elle. C'est une personne à qui on doit passer quelques travers, qui n'en a pas. Au fond, elle est bonne, aimante, sincère et dévouée. Tout cela n'est pas peu de choses. Chopin te dit mille tendresses. Il se porte passablement. Luce t'écrira la semaine prochaine. Pistolet te remue sa queue. Françoise t'attend, et moi, je te bige un millier de fois. Embrasse pour moi Madame Bascance et Madame Doribot. Ne m'oublie pas non plus auprès de Monsieur Bascance, et donne-lui de ma part une bonne poignée de main, si tu oses te le permettre. Je voudrais bien ne plus voir de fautes d'orthographe dans tes lettres. Je crois que tu n'en fais plus que par distraction. Tâche de prendre l'habitude d'écrire vite et bien. Il n'en coûte pas plus de mettre les mots comme ils doivent être, quand on sait la règle, que de les estropier. Tu écris « Madame Bascance m'a, à S, mené promener. » Six cierges éclairaient, à IT, le cœur. C-O-E-U-R. Une lumière dorée et les dessins que j'ai envoyés à mon père, D-E-2-S-E-I-N-S, etc. Tout cela, tu sais que ce sont de grosses fautes. Pourquoi les fais-tu? Moi qui comptais sur toi pour me corriger,